On va parler des Saguenay de Chicoutimi. Hier, on en a parlé amplement avec Serge Gémond du Journal quotidien, Serge Cloutier. Là, maintenant, on a la chance de parler avec le nouveau vice-président hockey, et vous connaissez bien, analyste au match du Canadien RDS, Marc Denis. Bonjour, Marc. Ça va bien, Marc? On va parler de hockey, on va parler des Saguenay. D'abord, ça fait combien de temps que ton groupe a commencé à négocier avec Ville-Saguenay? Écoute, ça s'est fait très rapidement au courant du week-end. C'est-à-dire que c'est mon groupe qui a négocié très tôt. C'est vraiment M. Richard Letourneau qui a été contacté par la ville de Saguenay, faisant dire qu'il y avait un processus là, pour mettre fin au contrat de gestion, l'ancien contrat de gestion avec l'ancien groupe. M. Letourneau a décidé de contacter Jean-François et moi par la suite. Ça s'est fait très vite. Là. J'ai été mis au courant, moi, vendredi. C'est pas mal samedi que les choses se sont décidées. Et dès dimanche, je rencontrais le directeur général et entraîneur Yannick Jean. Alors, ça s'est fait très, très vite. Mais en même temps, c'est pas nouveau mon intérêt pour les Saguenay. Et pour le junior majeur, tu as essayé d'avoir Sorel également. Il y a une équipe à Sorel il y a quelques années, je pense, hein? Oui. OK. Oui, ben exactement. J'avais fait partie d'un groupe, là. J'avais fait partie d'un groupe qui avait fait les études de marché. Le dossier n'avait pas vraiment progressé. Malheureusement, mais oui, le hockey junior majeur m'intéresse depuis. OK, Marc. Quel est le plan de match pour du côté hockey? J'imagine que tu vas travailler avec Yannick Jean pour l'aspect hockey. C'est quoi le plan de match? L'équipe des Saguenay, c'est une équipe très jeune, cinq joueurs en bas à 16 ans. Donc, c'est une équipe cette année qui, on peut dire, reconstruction. C'est là-dessus que tu vas travailler, quoi? Oui, absolument. Une fois là, qu'on a fini de s'enfarger dans les titres, là, c'est vraiment une équipe en collaboration qui va travailler. S'assurer que cette équipe qui est la plus jeune de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec va se développer de la bonne façon pour aller chercher une équipe de plus en plus compétitive. Alors, ça, il n'y a aucun doute. Et oui, je vais travailler d'arrache-pied de mon côté, mais à distance avec Yannick qui est en place pour s'assurer que le plan que Yannick, lui, a mis en place et que j'endosse entièrement soit bien suivi. Et je peux apporter, avec grâce à mes contacts, avec mon expérience, une plus-value au groupe de gens de hockey très compétents et très expérimentés. Il y a, le groupe, selon certaines rumeurs, avait un défaut de paiement de 229 000 à la ville du Saguenay. Bon, il y a une façon de faire à repenser. Quelle sera la nouvelle façon de faire à repenser du côté du nouveau groupe qui va gérer Saguenay? Oui, ben disons qu'à long terme, ce sera à la ville de prendre ses décisions, à savoir si elle retourne en appel d'offres ou si elle négocie directement avec certains groupes. Pour ce qui est de nous, on a mis sur pied un organisme à but non lucratif, un OBNL, pour être capable de terminer la saison. Ce qui veut dire que la Ville est entièrement responsable des pertes et des gains d'opérations d'ici la fin de la saison. Et nous, notre travail en tant que mandataire, parce que c'est pas un contrat de gestion qui nous a été donné, c'est vraiment le mandat de terminer la saison. Notre rôle en tant que mandataire, c'est de rendre des comptes à la Ville pour que la situation soit bien claire. C'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de soubresaut du côté hockey, qu'il n'y ait pas de distraction et de dérangement avec la transition, et que du côté administratif, marketing, les concessions, un peu tout publicité, marketing, tout ce qu'il y a à faire au niveau des ventes, qu'on remette ça dans la bonne voie. Alors, c'est beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche, mais on est prêt à relever le défi. Mais le meilleur marketing, c'est la victoire, en fait, là, Marc. Là. Ça, vous êtes au courant de ça, là? On est au courant de ça. Ça va être de faire l'équilibre entre la victoire et le fait de gérer la plus jeune équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors ça va être mon défi à moi avec l'équipe hockey et le défi de Richard et de Jean-François qui sont administrateurs surtout. Ça va être de retrouver le moyen d'assainir les finances, les états financiers. Il arrive quoi avec le nouveau exemple, Phil, notre gouverneur, qui est également collaborateur, il y a Sébastien Morin également, il arrive quoi avec tous les autres membres du personnel des SAG? Ils vont être rencontrés au cours des prochains jours, j'imagine? Oui, absolument, tout le monde va être rencontré au courant des prochains jours, il n'y aura aucun changement à la structure hockey. Okay. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà parlé avec Yannick, en fait, en ce moment-ci, là, il me reste qu'à parler à Danny Corneau. On s'est échangé des messages. J'ai parlé à tout le monde dans l'organigramme du côté hockey. Tout le monde est reconduit. Et il n'y aura pas de changement de ce côté-là. Pour ce qui est de Phil Desgagnés, Phil, c'est le gouverneur nommé par Ville-Saguenay pour les Saguenay de Chicoutimi. Il n'y aura pas de changement non plus. On n'arrive pas avec nos gros sabots à penser avoir toutes les réponses. Et évidemment, on rencontrera tous les autres employés des Saguenayens dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dépendant évidemment des rôles de chacun, pour connaître les ententes et savoir la direction qu'on va prendre. Allez, en terminant, dernière question, Marc, parce que je sais que tu es occupé, tu as un match de hockey. Est-ce que c'est un stage, en réalité, pour voir si le groupe va aimer ça pour postuler pour l'an prochain? C'est un peu un essai que vous faites aussi, là. Écoute, oui, c'est un essai qu'on fait à aller chercher des informations. Sauf qu'on est à la merci de la décision de la ville. Ouais. La ville pourrait décider demain matin de retourner en appel d'offres l'été prochain ou de négocier avec un autre groupe. On n'a eu aucune garantie, mais évidemment, de notre côté, c'est d'aller chercher le plus d'informations, de faire le travail le plus efficace possible aussi. Et peut-être qu'au passage, on réussira à convaincre les gens et se convaincre nous-mêmes que la meilleure chose, c'est pour Marc, un gros merci. Je vais te laisser pour un match ce soir entre le Canadien et les Sénateurs d'Ottawa. Gros merci, puis on s'en parle durant l'année. Avec Marc Denis, analyste au match canadien RDS.